La roue tourne, chacun à son tour, sonne l'heure du réveil. La roue tourne, chacun à son tour, sortir du sommeil. La roue tourne, chacun à son tour, partout c'est pareil. La roue tourne, chacun à son tour, direction les sommets. La roue tourne, chacun à son tour, sonne l'heure du réveil. La roue tourne, chacun à son tour, sortir du sommeil. La roue tourne, chacun à son tour, partout c'est pareil. La roue tourne. Protéger leurs privilèges et sauver leurs ailes. Ils se gardent de risquer le partage des richesses. Comme ils ne veulent pas changer, il ne faut rien déranger. Mais bien Malaki Man ne profite jamais. On voit aujourd'hui que tout ça est vrai, car il ne possède aucun témoignage d'amour, car il ne possède rien. La route, et chacun à son tour au sommet. Chacun à son tour au sommet. Chacun à son tour, direction les sommets. La roue tourne, chacun à son tour, sonne l'heure du réveil. La roue tourne, chacun à son tour, sortir du sommeil. La roue tourne, chacun à son tour, partout c'est pareil. La roue tourne. Dans la vie, les choses sont ainsi faites. Un jour tu es au top, un autre c'est le big flop. Une nation s'élève et une autre tombe. Une grande rotation entraîne tout le monde dans un perpétuel décompte. Que personne ne se fâche, ni ne se voit la face, que personne ne se cache. Il faut que tu saches que personne ne se fâche, que personne ne se voit la face, oh yeah. La route tourne, la route tourne.